cher journal intime. Le philosophe Nietzsche a dit un jour que sans la musique, la vie serait une belle erreur. Je débute donc ce chapitre sur une vérité qui me porte malheur, comme mon département 93. Le chiffre ultresse réapparaît comme ce vendredi où je déverse mon premier couplet. Je vois le mal partout, même dans le string de Vincent McDo. Il y a le burger, la sauce chimique derrière les fast-food. La bille ne fait pas l'imam, la barbe est relative. Kofi au cancer, dame, son congolais se vit. La vie de la vie, les gens me font rarement rire à part Jamel Debbouze, Patton ou Bill Cosby, Bugs Bunny. Parce que je reste une grande gamine, que les coyotes courent, mon tel fait bip bip. Il est plus facile de critiquer que d'apprendre à aimer. C'est de là qu'est née les 12 caricatures du prophète Mohammed. Prisonniers de leurs idées, tu sais ce que ça me fait d'entendre la France aux Français. Ça c'est pas du lourd, arrête de serrer ton front national, Babtou. Ma France à moi est un mélange de Benzema, Fatou. Fais ta petite poupe et je te casse ta bouche. À force de faire la matarazzi, tu vas perdre ton souffle. Alias la louve, reste fidèle à moi-même. Les putes et les janky, eux, ont de vrais problèmes. Alors et me relève, le ZF me pèse et je deviens mauvaise. Parce que la street réalité n'est pas le rap chic de Coxy, mais le cockpit qu'a fait un strike sur le World Trade. De Schmidt qui pète de la weed pendant une perquise, ou un père qui tease et mise tout son fric. C'est cette chaîne de vie qui me rend pessimiste. Comment veux-tu que je retrouve la paix entourée de sinistres? Non, je ne suis qu'un smicard qui transpire pour son fils, mis à l'écart aux abords du périph. Spliff, vram, boum, je n'ai de temps. Hey, bim, bam, boum, si tu me touches, je te réponds. Parce qu'à mes dépens, j'ai fait l'école de la rue. Première leçon, que tu sois black, blanc, beurre, tu chies pas mes thunes. Cher journal intime, cher journal intime, cher journal intime, cher journal intime. Ich spreche ein wenig Deutsch, weil vier Jahre alt ist, ich bin nicht kommen, Athena das. Du siehst aus, mein Mut und Krisen von einer Deutschen bekommen. Ich bin ein Rüben geworden. Ach so, ach so, ach so. Ne me dis pas Alhamdoulilah si t'arraches la côte de porc. Hardcore c'est quoi? Je te dérange parce que je n'ai pas tort. Ça ne sert à rien d'accuser un mort. Les blessures ont laissé une jolie cicatrice sur mon corps. Plus qu'une femme, une guerrière. Esprit massaï, femme noire de caractère. Parce que je sais ce que je ne veux pas. Si tu ne te respectes pas toi-même, qui d'autre le fera pour toi? La franchise est un bijou qui se fait rare. Que la femme porte mal, que l'homme baisse tard le soir. L'erreur est un choix que j'assume grave. Parce que pour avancer, il faut que tu saches où tu te places. Parano, j'ai l'impression d'être sur écoute. À ta question où j'habite, j'ai un doute. Un œil partout, même sur celle qui marche derrière ma seuf. 2009, même les meufs arrachent des queues. Classique. Le combat continue dans la street. Classique. Comme le Hamlet de Shakespeare. Classique. La femme au mic sort ses griffes, aussi tranchante qu'un coup de canif. Déconne pas, je suis impulsif. L'être humain est le complice du shétan. Quand le chef-d'œuvre de Satan s'étend de Gaza à Bagdad. Parce que la bouche à Georges préfère un kebab d'arabe. Une salade macabre facturée sur le dos tout sa mal. Le chaos nous entoure, le mal est prédominant. À se demander si bientôt ce n'est pas la fin du monde. Puisque les blondes deviennent même intelligentes. Paris Hilton a peut-être des royalties sur tes chambres. La vie tourne toujours autour de l'oseille. Mais dans ton cercueil tu te retrouves seul au monde comme Corneille. Non, je ne cherche pas à ce que les gens m'aiment. C'est comme ça que tu risques de te perdre. Donc je préfère rester moi-même. Si je rappe, c'est pour me faire du mal. Extérioriser mon âme alors que je te connais à coups. Et si tu croises une louve qui saigne de trop, c'est que le combat est terrible mais qu'elle n'a pas lâché les crocs. Par un nouveau frais verset 93, la louve en repasse au mail pour la haisse. De frappe.